Mon premier cri, c'était un beau soir de novembre. Pour mes premiers écrits, toute une histoire avec ma chambre. Mon premier surnom reflétait mon flegme anglais. Même le cœur mal sanglé, souvent sûr de ne pas dire non. Mes premiers pleurs, première rancœur, amour d'adolescent. J'ai tourné dos en lui laissant mes leurs, j'ai construit mon bunker. Mon premier rêve détruit à la forme d'un ballon rond. En somme le temps c'est long fait front, mais ici on crève tous sans bruit. Mes premières amitiés ont le goût d'un arrêt de car. Peu de dégoût, c'était entier, on s'est tous barré tel Icar. Mon premier vol vers 17h à la récré. Dans mon secteur, même en secret, y'aura jamais de premier viol. Mes premières valeurs, j'ai l'impression qu'elles sont désuètes. Est-ce la pression du malheur qui les a rendues muettes? Ma première dépression, c'est quand j'ai eu l'âge de comprendre qu'au large dans vos méandres, j'ai des pages de décompression. J'irai graver quelque part, spleens et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean, ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface, j'irai graver quelque part. Splines et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface. Mes premières émotions m'ont foudroyé pour être clair. À la vitesse de l'éclair, mon noyé moi et mes notions. Mes premières tristesses, sûrement des caprices à deux balles. Ou purement la justesse d'une cicatrice que je déballe. Ma première radio, j'avais le mental studio. Rêver sans fric, regard radieux, kick l'instrumental en studio. Ma première bagarre, des petites frappes, des crochets, et puis le rap m'a accroché, n'était qu'un drôle dans son regard. Ma première banderole, il y a 9 ans et des poussières. Tous veulent le grand rôle et ici ça sent pire qu'hier. Mon premier coup de blues, voir les cousses qui flanchent, recherche le flou, se jalouse, en voit pas beaucoup en blouse blanche. Ma première perche tendue, c'était l'art de la rime, dans le noir de mes déprimes, comme de l'air fraîchement descendu. Ma première colère, les premiers remords qui assomment, de tout ça j'en suis la somme, c'est mort, tout n'est que corollaire. J'irai graver quelque part. Splines et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface, j'irai graver quelque part. Splines et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface. Ma première destination, heureux dans mes racines. Je n'ai ni pays ni nation, entre les deux on m'assassine. Mon premier cône, un jour plus vieux, je m'en rappelle. Moi ni exemple, ni une icône, juste plus vieux quand on m'appelle. Mon premier coup de crayon n'avait pas de vêtements en 2-3 centimes sur un sample et peu connu au bataillon. Ma première gifle était lourde et méritée, sourde comme un long riff, celle de mon père en vérité. Mes premiers vrais compères avaient la gueule d'un band. Autant que nos premiers repères, on les a fait seuls en tombant. Mes premières projections dans le futur, dans l'avenir. Quand je triture mes souvenirs, pas de voiture à injection. Mes premiers diplômes, un peu à la roulette. Entre nous, les trous de boulettes n'ont rien d'un jeu quand on slalome les premières rimes de ce morceau. Un jour d'été, un long séjour à s'entêter quand d'autres friment de leurs dorsaux. J'irai graver quelque part. Splines et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface, j'irai graver quelque part. Splines et premières sur des pavés dans mes remparts. Garde clean ces quelques lumières, elles ont bravé les saisons. Aucunement ne s'efface du plus profond de ma raison. Elles refont crânement surface.